toutes et à tous, ici Lia. Bienvenue dans nos minutes bonheur, chaque mardi à 8h et 13h30. C'est la rentrée, on reprend notre rythme habituel et nos enfants. Entre l'école, les devoirs, les amis, les loisirs, l'emploi du temps des enfants est souvent chargé. Or, les habitudes familiales et surtout les rythmes scolaires ne respectent pas toujours l'horloge interne des bambins. Quels aménagements sont nécessaires pour éviter fatigue, manque d'attention ? L'enfant a une horloge interne dont il est important de tenir compte. Les êtres humains comme les animaux et les végétaux possèdent des rythmes biologiques qui leur sont propres. Ils permettent au corps de s'organiser et de s'adapter aux événements de la journée. Contrôlés par notre cerveau, ces rythmes biologiques se traduisent par des variations psychologiques, physiologiques, d'une part, comme le taux d'hormones dans le sang, et cognitives, d'autre part, comme par exemple, une baisse de l'attention. Aller à l'encontre de ces rythmes naturels entraînerait des dysfonctionnements physiologiques et cognitifs. Pour préserver sa santé, il est donc essentiel de les respecter. Comme l'adulte, l'enfant possède ses propres rythmes biologiques. Ainsi, les plus petits vont avoir besoin de plus de sommeil. Ils ne seront pas concentrés tout le temps de la même façon. C'est bien l'un des éléments essentiels des rythmes de l'enfant. Le sommeil. Il est primordial de respecter ses besoins en la matière. L'alternance veille-sommeil. Ce cycle est en constante évolution jusqu'à l'adolescence. La sieste, par exemple, fait partie des phases indispensables pour les plus petits. Sa durée diminue dès l'âge de 9 mois et elle disparaîtrait généralement entre 3 et 6 ans. Néanmoins, elle reste essentielle pour les enfants de 2 à 5 ans, et bien sûr même au-delà. Le petit déjeuner et le trajet qui va du domicile à l'école sont des moments importants, surtout si le réveil s'est fait en douceur. Il faut donner du temps à l'enfant pour se réveiller, puis pour recharger son organisme en prenant son petit déjeuner. Après une nuit de sommeil, l'enfant a passé une dizaine d'heures à jeûner depuis son dîner. Le petit déjeuner est donc indispensable. Veillez à ce qu'il soit équilibré pour que votre enfant puisse appréhender sa journée en toute vitalité. Place au jeu. Laissez votre enfant jouer. Dinette, cache-cache, jeux de société sont des sources d'apprentissage dans lesquelles il stimule son imagination, explore l'espace, développe ses sens, apprend à compter, à attendre son tour. Des vrais atouts pour l'école. Il est également très important de pouvoir passer du temps avec votre enfant autour d'une activité commune. Vous montrez à votre enfant l'importance qu'il a à vos yeux et la priorité que représente ce moment passé avec lui. Ne le comparez pas aux autres, évitez de le comparer à ses frères, sœurs, copains qui savaient accomplir tel ou tel exploit à son âge. Ce n'est pas parce que son cousin du même âge sait faire du vélo que votre enfant est prêt, lui aussi, à enlever ses petits trous. Chaque enfant a son rythme et il a certainement d'autres compétences. S'il ne parvient pas encore à accomplir une tâche, n'en faites pas un drame, il réussira plus tard. Laissez-le s'ennuyer. N'essayez pas de remplir les trous de son emploi du temps à tout prix. L'ennui peut se révéler très constructif lorsque l'enfant fait preuve d'imagination. L'ennui aidera probablement votre enfant à développer son imagination. Alléger son emploi du temps si nécessaire. Opérer un tri dans son emploi du temps. Les activités extrascolaires offrent une ouverture intéressante, mais elles ne doivent pas surcharger le rythme de vie. Si elle ajoute des contraintes qui semblent lui peser, mieux vaut alléger. Aidez-le à devenir autonome. Entre la totale dépendance du nourrisson et le collégien qui prépare seul son cartable, il y a le long chemin de l'autonomie. Sachez le parcourir en le soutenant d'une main rassurante, mais aussi en la lâchant quand il le réclame. Retrouvez l'enfant qui est en vous. Adoptez le point de vue de Stéphane Sersman, psychothérapeute et philosophe, qui conseille de réapprendre à retrouver l'enfant qui est en nous plutôt que d'imprimer le rythme de l'adulte à notre enfant. Vient un point plutôt très très important, celui de la sécurité affective. Il est aussi important d'apprendre à l'enfant à exprimer ses sentiments. Chaque pleur, chaque émotion exprimée par un enfant est justifiée. En effet, même lorsqu'on estime qu'il pleure pour rien, un enfant cherche toujours à nous faire part d'une frustration. Souvent agacé, nous ne prenons pas le temps de l'aider à comprendre ses sentiments et à les exprimer différemment. Au contraire, parfois nous les réprimons, souvent dans l'espoir que ce genre de crise ne se reproduise pas. Or, tout l'inverse risque de se produire si ne nous fournissons aucune explication à notre enfant. La sécurité affective, c'est l'aider à surmonter les obstacles qui se mettent sur son chemin pour qu'il sache les affronter lorsque cela se reproduira. Un enfant autonome et indépendant est un enfant sécurisé qui ne craint pas d'être abandonné. La sécurité affective est la sève qui ouvre en grand les vannes des constructions majeures de la vie. En échappant à ses peurs, l'enfant peut développer la confiance en soi et la confiance dans autrui, acquérir l'estime de soi, libérer toute la gamme de ses émotions, découvrir et comprendre celle de ses partenaires. Il libère en même temps son langage oral. Ces libérations lui permettent d'initier et d'accepter des interactions accordées avec les autres, c'est-à-dire de faire les ajustements nécessaires pour nouer des attachements sécures. Parallèlement, ces libérations lui permettent de structurer les compétences universelles qui sous-tendent les systèmes de communication, les processus de socialisation, les habiletés motrices et les conquêtes spatiales qui constituent ses compétences socles. pour que les enfants puissent libérer leur processus cognitif et mobiliser leurs ressources intellectuelles, tout en s'appropriant des savoirs nouveaux et de nouvelles connaissances, il faut au préalable qu'ils éprouvent une suffisante sécurité affective. C'est la condition pour que le langage oral et les émotions puissent être pleinement libérés et que l'enfant manifeste visiblement ses compétences socles. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée ainsi qu'à vos enfants. Je vous embrasse tous très très fort. Je suis sûre que vous trouverez plein de choses à faire avec eux pour que toute cette année se déroule au mieux pour tous. N'oubliez pas plein de câlins et de bisous à vos enfants, à vos amis. Le bonheur, l'échange, c'est primordial. Je vous dis à mardi prochain.